Today is 22nd April 2022. Dhammapiti Sukhanseti Vipassanena Chittasa Ariya Bhavati Dhamme Sadharamati Pandito. It is very good, very suitable teaching with our Vipassana practitioners. This Dhamma talk encourage our yogis to practice diligently. Without practicing diligently, we will not experience Dhammapiti, the happiness with the Dhamma, or to happiness in the Dhamma, living happily, peacefully, with a serene mind. Nous sommes aujourd'hui le 22 avril 2022. Nous poursuivons la stance en pali. Dhammapiti Sukhamseti Vipassanena Cetasa Ariya Pavedite Dhamme Sada Ramati Pandito. Donc c'est une stance, c'est une très bonne stance qui convient très bien pour les pratiquants de Vipassana, pour nos pratiquants de Vipassana. La stance encourage nos yogis à pratiquer avec diligence. Sans pratiquer avec diligence, on ne peut pas expérimenter Dhammapiti. Dhammapiti, c'est-à-dire le bonheur dans le Dhamma, le fait de vivre heureux et en paix avec un esprit serein. Aujourd'hui, nos yogis vivent heureux, en paix, avec un esprit serein, avec le calme. Je vais expliquer comment les yogis diligents peuvent vivre heureux dans le Dhamma. Un yogi qui a vraiment expérimenté le Dhamma, qui a vraiment fait l'expérience des Dhammas tels qu'ils sont, vit heureux avec un esprit serein. Il se réjouit constamment, toujours dans le Dhamma, à la façon des Ariyas, des êtres nobles. Il est tout le temps heureux avec un esprit serein dans le Dhamma, à la façon des êtres nobles. Avant d'atteindre l'état de Ariya, avant de devenir des êtres nobles, ces personnes ont aussi été des putujana, comme nous, des personnes non éveillées. Mais alors qu'ils se sont efforcés de pratiquer, qu'ils se sont efforcés de comprendre les dhammas tels qu'ils sont réellement, ils ont atteint l'illumination. Avec une pratique diligente, ils sont parvenus au but. Si nous aussi nous efforçons d'y arriver, si nous essayons, nous avons aussi le droit d'atteindre l'illumination. L'illumination appartient à tous. Elle n'est pas réservée à certains, quelle que soit l'origine sociale, tout le monde peut y avoir accès. Quel que soit son emploi ou son activité, tout le monde y a droit. Il y a deux types de bonheur. Le bonheur des plaisirs sensuels. Pour ce bonheur-là, il n'est pas nécessaire de pratiquer. On l'a acquis à la naissance. Mais au final, ce bonheur-là tombe dans le malheur. Piyate, Jayate, Soko. Donc, finalement, le bonheur, La réjouissance génère le chagrin parce que, en raison de la perte de ce bonheur, cela finit par le chagrin et les lamentations. À l'inverse, le bonheur du Dhamma, il provient de la pratique de Vipassana. Il ne vient pas automatiquement à la naissance. Et à l'inverse, c'est difficile au début. Au début de la pratique, les pensées peuvent emporter l'esprit au loin. Et puis, il y a les douleurs, dukkha vedana, les ressentis douloureux, qu'on voit au début comme un empêchement, une perturbation pour notre pratique. Le fait de ne pas aimer, la souffrance. Mais après un certain temps, si on parvient à noter l'objet, on ne le voit plus comme un empêchement, on ne voit plus les douleurs comme un empêchement. Au contraire, on est même heureux si les douleurs se manifestent, parce qu'on se rend compte qu'elles nous permettent d'atteindre l'objet. Sans elles, on ne parviendrait pas à concentrer l'esprit. Si nous sommes capables de gérer ces ressentis douloureux et de noter l'objet de façon rapprochée, la douleur devient notre amie. Tôt ou tard, les yogis expérimenteront Dhammapiti, le bonheur du Dhamma. Les plaisirs sensuels, samisa sukha, au final, ils finissent dans la souffrance. Niramisa sukha, les plaisirs non sensuels, c'est le bonheur dans le Dhamma avec un esprit serein, la paix, le calme. Lequel voulez-vous? Voulez-vous le bonheur mélangé à la souffrance ou le bonheur sans souffrance. Si vous voulez le bonheur du Dhamma, vous devez pratiquer, vous devez suivre les instructions données par le Bouddha. Comment? Comment expérimenter Dhammapiti? Comment expérimenter le bonheur du Dhamma? Le Bouddha a déclaré Atapi, Satima, Sampajana. Donc Atapi, l'effort ardent. Sans effort, on ne peut pas expérimenter le Dhammapiti, le bonheur du Dhamma. Ensuite, Satima, l'attention. Il faut que l'attention soit continue, ininterrompue. Ainsi, notre esprit qui note doit être généré instant après instant. Pendant la méditation assise, il faut noter chaque inspiration et chaque expiration. Il faut maintenir l'esprit sur l'abdomen. Il faut le noter et l'observer de façon rapprochée. Lorsqu'on note, on peut voir le mouvement vers le haut et vers le bas dans l'abdomen. Pourquoi? Parce qu'il y a l'air. Ça, c'est la compréhension. Donc un tel yogi fait réellement l'expérience des dhammas tels qu'ils sont. Un yogi qui pratique de cette façon fait réellement l'expérience des dhammas tels qu'ils sont. L'abdomen qui se soulève et qui s'abaisse, c'est la véritable nature du corps et de l'esprit. L'esprit qui note, c'est l'esprit. L'esprit qui note l'objet, c'est l'esprit. Et l'objet noté, c'est la matière. On ne peut pas nier que c'est vrai. Par exemple, lorsqu'on note le soulèvement, on remarque que l'abdomen s'étend. Lorsqu'on note l'abaissement, on voit qu'il se contracte. On le note de manière rapprochée, de façon continue. Et ensuite, de cette façon, vous vous connaîtrez vous-même. Vous saurez pour vous-même qu'il n'y a plus de désir en vous, loba, il n'y a plus d'aversion en vous. Vous avez généré de l'énergie mentale. Donc l'énergie mentale va apparaître et aussi la satisfaction va apparaître en vous. Votre esprit va devenir serein. C'est parce que vous avez éliminé les kilesas, les pollutions mentales, avec une attention énergique. Vous savez ce que c'est le bonheur. Vous voyez que l'esprit ne va nulle part, l'esprit est serein. Comme je l'ai expliqué hier, par contre, si vous ne pouvez pas noter, votre esprit s'éparpille, il va partout, comme des cendres dans lesquelles on aurait jeté une pierre. Et on ne peut pas faire l'expérience de Dhamma Piti, on ne peut pas expérimenter le bonheur du Dhamma. Si vous pratiquez ainsi de façon attentive, un jour ou l'autre, vous réaliserez le Dhamma. Pour faire l'expérience de Dhamma Piti, le bonheur du Dhamma, nous devons pratiquer avec diligence. La respiration est importante. Si la respiration est superficielle, l'air n'entre pas correctement jusqu'à la zone du nombril. Certains yogis diront « Ah, le mouvement de mon abdomen de soulèvement et d'abaissement se produit dans la poitrine, pas dans l'abdomen. » En fait, c'est parce que leur respiration n'est pas profonde. Donc, je suggère de prendre une respiration complète. Et afin d'y parvenir, il faut faire attention à chaque respiration. Si on ne pratique pas, on ne prête pas attention à notre respiration. Est-ce qu'elle est profonde? Est-ce qu'elle est superficielle? On n'y prête pas attention. Mais si on est attentif, on sait comment la respiration procède. On sait qu'elle entre par le nez et qu'elle va jusque dans la région du nombril. On peut voir l'abdomen clairement. Lorsqu'on expire, on saura que l'abdomen tombe. Lorsqu'on inspire, l'abdomen se soulève, on prend l'air à l'intérieur, c'est assez clair. L'abaissement, tout d'un coup, l'abdomen tombe, retombe. C'est parfois assez subtil, peut-être qu'on ne le verra pas clairement, mais on s'entraîne. Si on le note encore et encore, à la fin, cela deviendra clair. De cette façon, en notant encore et encore, la paresse n'apparaîtra pas, il n'y aura pas non plus l'ennui. Quand on ne voit pas clairement, on s'ennuie, on devient paresseux. On peut se dire « je ne vois rien, pourquoi est-ce que je ne vois rien ? Pourquoi pratiquer, je ne vois rien ?» Par contre, si on voit, alors on devient intéressé et même on deviendra soucieux de ne pas laisser l'esprit s'envoler. On voudra saisir le mouvement, on voudra saisir l'objet à chaque note. On aura de l'énergie mentale pendant la méditation assise. Si on note de manière rapprochée, il n'y aura pas beaucoup de pensées, ou alors s'il y a des pensées, on pourra les noter et les saisir sans délai, sans retard. On va s'intéresser à la pratique, pas seulement au soulèvement et à l'abaissement, mais aussi aux autres sensations dans le corps, où les douleurs, les raideurs, les engourdissements, la dureté, le chaud, le froid, peut-être à un moment de la salive dans la bouche. Parfois, on va vouloir bouger notre main et conformément aux instructions, on le fera avec attention. Et quand on est bien concentré, pour rien au monde, on ne ferait ça sans attention. C'est pourquoi il n'y a plus d'ennui, il n'y a plus de paresse. On s'intéresse. On s'intéresse, le bonheur est présent. On pratique avec bonheur. Dhamma piti sukham seti. L'esprit devient serein, mature. Vipassana, c'est un esprit clair, un esprit serein. Il n'y a pas de kilesa au moment de prendre note. Il n'y a pas de pollution mentale. Lorsqu'il y a des kilesa, l'esprit est paresseux, l'esprit, pardon, est brumeux, l'esprit est embrumé, comme un ciel avec des nuages. On ne peut pas voir clairement. Ici, le yogi ne peut pas voir clairement l'esprit et la matière, les causes et les effets. Et comme il ne voit pas clairement, il n'y a pas non plus de bonheur du Dhamma. Si vous voulez le bonheur du Dhamma, vous devez suivre les instructions du Bouddha. Après la méditation assise, on pratique la marche, la méditation en marche. C'est le pied qui devient l'objet primaire, l'objet principal. Vous devez garder votre esprit sur les pieds. Ensuite, notez pas droit, pas gauche, pas droit, pas gauche, autant de fois que possible. Et évitez de regarder partout, de regarder aux alentours. Je dois répéter ceci souvent, parce que si on ne répète pas, alors on oublie. C'est un peu ennuyeux, c'est pour moi, c'est un peu ennuyeux de le répéter toujours, mais je le fais. Par souci pour le progrès des yogis, parce que je me soucie du progrès des yogis, parce que les yogis, eux, ne sont pas habitués à faire cela, à contrôler le regard. Donc, à la marche, d'abord, vous pratiquez en faisant une note par pas, pas droit, pas gauche, pas trop vite, en allant pas trop vite, mais il n'est pas nécessaire non plus d'être trop lent. Essayez de suivre chaque pas, de ne manquer aucun pas. Déterminez-vous à ne rien manquer. Je ne manquerai aucun pas. Les yeux sont très curieux. Si quelque chose apparaît quelque part, tout de suite, ils veulent regarder. Mais si on regarde, on perd l'attention. Ce n'est pas si simple, en fait, de garder les yeux vers le bas, de maintenir le regard abaissé. Si on s'y efforce avec une pratique respectueuse, on va petit à petit y parvenir. On va petit à petit parvenir à contrôler l'esprit. Et alors on pourra garder l'attention sur les pieds. Il n'y aura plus de vagabondage, plus de désir de ceci ou cela, plus de colère, plus de pression, plus de chagrin. Et si tous ces états mentaux ne sont plus là, alors qu'est-ce qui va occuper l'esprit? Eh bien, c'est Dhamma Piti, le bonheur du Dhamma. C'est parce qu'on peut voir chaque pas. À chaque pas, on peut voir l'esprit et la matière. Même si on ne note pas esprit et matière, même si il n'est pas nécessaire de noter spécifiquement esprit et matière. Mais dès le moment où les yogis restent avec leurs pas, qu'ils prennent note de chaque pas, ils atteignent ce stade de la compréhension. Ils comprennent l'esprit et la matière, même s'ils ne le disent pas explicitement. L'esprit devient propre et pur. C'est la nature de l'esprit d'être pur et limpide, comme l'a dit le Bouddha. en Pali. L'esprit, en fait, par nature est propre et clair, mais il est souillé par les pollutions mentales. Maintenant, vous le savez par vous-même, quand vous notez, il n'y a pas de pollution mentale. Chaque pas, vous connaissez l'esprit et la matière. À chaque pas, vous voyez pour vous-même qu'il n'y a plus de pollution mentale. L'esprit est frais, propre et pur. Le yogi peut voir ce qu'est l'esprit et la matière, et en même temps, le bonheur apparaît. C'est le bonheur du Dhamma, Dhamma Piti, acquis avec sa propre énergie, sa propre pratique énergétique. À chaque pas, vous devez noter et suivre sans interrompre l'attention. À chaque pas, vous pouvez voir le mouvement. De cette manière, vous établissez l'attention sur les pas. Vous ne devriez pas penser qu'est-ce que je peux voir maintenant, qu'est-ce que je peux apprendre maintenant. Vous devez seulement noter. Gacchanto va gacchamiti pajanati a instruit le Bouddha lorsqu'il va, le bhikkhu, c'est je vais. Les yogis pratiquent conformément à cette instruction. À chaque pas, pas droit, pas gauche, pas droit, pas gauche, pas droit, pas gauche. Et ainsi, ils savent que le pied avance. Lorsque l'attention est forte, ils ne voient pas seulement le mouvement. Il voit aussi, par exemple, quand la plante du pied touche le sol, ils se disent, oh, je sens de la dureté, ou alors, oh, je sens de la douceur. Le mouvement, la dureté ou la douceur, c'est aussi la véritable nature, c'est Patavi Dhatu, l'élément terre. Le mouvement, c'est Vayo Dhatu. Le yogi ne recherche pas ces éléments, ils viennent automatiquement à son attention. Au plus vous êtes attentif, au plus vous pouvez savoir. Vous pouvez même savoir encore beaucoup plus que ceci. L'esprit à ce moment-là ne va nulle part. C'est ce qu'on appelle la concentration en un seul point. L'esprit ne va pas à la maison, ne retourne plus à la maison, il ne voyage plus. Lorsque vous mangez aussi, vous le faites avec attention et vous faites l'expérience du goût. Ceci c'est sucré, ceci c'est amer, ceci c'est aigre, ceci c'est épicé. Et pendant la marche, c'est la même chose. Vous ne voyez pas seulement le mouvement, vous voyez d'autres choses comme la dureté. Je sens que c'est dur, je sens que c'est doux. Certains yogis vont faire leur rapport comme ça. Et en fait, ça, c'est pas noté, c'est remarqué. Le feu, le très vénérable Mahasi Sayadaw disait apparaître, noter, remarquer. Apparaître, noter, remarquer. Lorsqu'on pratique Vipassana, il faut qu'il y ait ces trois choses. Le pas apparaît, on note, on ne note pas levé comme à l'assise, on note pas droit. Et ensuite, on remarque. On remarque le mouvement, la dureté, la douceur. Ça, c'est remarqué. Ça, c'est une pratique complète. Apparaître, noter, remarquer. Ça, c'est une pratique complète. À chaque pas, il faut pratiquer de cette façon-là. Le pas apparaît, on note, pas droit. Et on remarque dureté, douceur, etc.